Les Dépravés, chapitre 3. Maximilien Ouzelot était le fils unique du docteur Ouzelot, qui aurait à cette heure un grand nom comme physiologiste et aliéniste, si des événements improbables, en le lançant brutalement et presque à son insu dans la politique, n'avaient relégué immédiatement au second plan ses véritables titres à la reconnaissance de ses concitoyens. Dès qu'un homme si remarquable qu'il puisse être, quitte ses affaires particulières pour les affaires publiques, tous ses travaux et ses succès passés disparaissent sous la nouvelle enseigne dont il se pavoise. Eût-il découvert les sources du Nil, trouvé la navigation aérienne, inventé la lithotrite, du jour où on l'a présenté aux électeurs, il cesse d'être un savant, un écrivain ou un artiste. Il n'est même plus un homme, il est un candidat. Alors qu'il ne rêvait aucune candidature, le docteur Ouzelot était un médecin très couru, très redouté de l'Académie de médecine, dont il faisait partie, et à laquelle il posait souvent des questions embarrassantes. Aussi difficile à convaincre dans les discussions scientifiques que dans les discussions religieuses, il n'admettait guère que ce qu'il pouvait toucher du doigt. « Tous les médecins sont des charlatans, disait-il. Il n'y a de sérieux que les dentistes. Vous souffrez d'une dent ? Préter tout désirabot vous l'enlève. Vous n'en souffrez plus. Voilà une cure irréfutable. Toutes les eaux doivent être proclamées sous bénéfice d'inventaire. Et encore, défiez-vous des personnes chargées d'inventorier. » Ces théories théologiques tournaient dans le raisonnement suivant. Il y a sur la surface de notre globe terrestre environ 500 religions régnantes, sans compter les religions disparues. Mes études cosmographiques et astronomiques me permettent d'estimer que la plupart des planètes sont ou ont été habitées. Prenons comme chiffre total de ces mondes celui de 10 milliards, évidemment inférieur au chiffre réel. Supposons maintenant que chacune des planètes, toutes d'un volume supérieur à celui de la Terre, compte des sectes religieuses en nombre égal à celles qui fleurissent dans les cinq parties de notre hémisphère. C'est donc par des totaux inconnus à la langue mathématique que s'additionnent les religions répandues dans l'univers créé. Il faut avouer que pour être ainsi tombé sur la bonne, à l'exclusion de tant d'autres croyants, il me faudrait avoir bénéficié d'une chance exceptionnellement exceptionnelle. Si je me savais autant de bonheur au jeu, je passerais ma vie en Hombourg à risquer le maximum. Il avait ainsi commencé par le scepticisme auquel les hommes de science n'arrivent que graduellement après avoir souvent perdu un temps précieux en recherches inutiles. Une telle philosophie devait être, on le comprend, capitonnée d'une grande indulgence. Le mot « père » dans son sens autocratique n'existait pas pour Maximilien, qui avait atteint ses 22 ans sans avoir eu une explication à donner ou une observation à subir. Lorsqu'à la distribution des prix du collège Henri IV, dont il suivait les cours comme externe libre, Maximilien avait été proclamé honorablement, Ouzelot, après lui avoir remis au retour 100 francs en or dans la main, l'avait mené dîner au restaurant et finir sa soirée au spectacle pour le récompenser de son succès. Lorsque Maximilien, soit au collège, soit au grand concours, avait fait ce qu'on est convenu d'appeler « chou blanc », Ouzelot, après lui avoir mis au retour 100 francs en or dans la main, l'avait mené à dîner au restaurant et finir la soirée hors spectacle pour le consoler de son échec. Il y a peu de problèmes sociaux plus intéressants à résoudre que cette question de savoir s'il vaut mieux serrer les rênes aux enfants que leur laisser la bride sur le cou. Quelquefois, la sévérité paternelle irrite et décourage, mais quelquefois aussi, elle trempe et fortifie. En revanche, si l'extrême douceur, ou plutôt l'extrême soumission de ceux qui vous élèvent, car les parents qui ne commandent pas sont généralement commandés, laisse longtemps intacte votre sensibilité native, elle vous expose une fois en selle à vous faire démonter au premier choc. Le jour où Maximilien rapporta définitivement ses livres, son entrée dans la vie fut saluée par ce simple dialogue. « Te sens-tu une vocation, mon vieux Max ?»« Moi, papa ? » ?»« Pas la moindre. » Eh bien, attends qu'il t'en vienne une. À l'époque où commence ce récit, vers le milieu d'avril 1865, il y avait déjà 4 ans que Max avait quitté le collège Henri IV, c'est-à-dire 4 ans qu'il montrait aux premières représentations aux assauts d'armes, aux courses, généralement un peu partout. Sa tête blonde, ses yeux bleus et sa taille élégante, sans toutefois montrer beaucoup sa vocation, qu'il attendait toujours. On a vu par l'aventure de la rue Saint-Roch qu'il l'attendait patiemment. « Mesdemoiselles, dit la première ouvrière, après avoir mâché silencieusement son observation jusqu'au moment où Geneviève était remontée dans sa chambre, peu après le départ des jeunes gens. « Mesdemoiselles, avez-vous remarqué le coup d'œil de notre innocente à l'adresse du monsieur Blond ?»« Tu penses, dit Clémentine, si j'en ai perdu une syllabe ?»« Eh bien, je déclare n'en avoir jamais surpris de mieux conditionné. » Et le coup des paupières, subitement baissé, fit observer une veuve déjà faite qui avait repris du service dans les fleurs. Elle se figure peut-être, reprit Clémentine, que ça a l'avantage d'étaler ses grands cils noirs qui sont longs comme des balais, des cils trop longs. Rien de plus horrible. Si on voulait seulement s'y mettre, reprit mademoiselle la première, on arriverait à lui faire sauter le pas comme aux autres. Mieux qu'aux autres, reprit Clémentine. Jamais de ma vie je n'oserais regarder quelqu'un comme elle a dévisagé ce monsieur habillé en femme. Tout ce que vous racontez là est bien utile, dit la veuve, mettant à nu la pensée dominante de l'assemblée, puisque nous ne savons pas l'adresse de ce jeune homme. Bah, et ça, fit Clémentine, en montrant le bulletin du fiacre que Max avait laissé tomber dans le magasin et que l'aimable enfant avait subrepticement ramassé. Parfaitement, répliqua la première. Il a annoncé qu'il rentrait se coucher. Nous pourrons facilement retrouver le cocher, qui nous indiquera où il l'a conduit. C'est enfantin. Écoutez, s'écria Clémentine, je crois que j'en deviendrai folle. Laissez-moi organiser cette machine-là. Je veux qu'avant 15 jours, Geneviève soit plus bas que terre. Quelle plaisanterie! Elle ne sort jamais, dit une ouvrière. Est-ce qu'elle ne va pas emporter l'ouvrage comme nous toutes? Moi non plus, je ne sortais jamais, conclut Clémentine, qui ajouta, « Laissez-moi faire, puisque je réponds de tout. » « Elle est étonnante, dit la veuve. Elle a eu 15 ans tout à l'heure et elle veut nous faire avaler qu'elle en suçait plus que nous toutes, à elle seule. »« Je ne parle pas par orgueil, répondit Clémentine, craignant de blesser la juste susceptibilité de ces demoiselles. Je voulais seulement dire que j'étais mieux conseillé que d'autres. »« Conseillé ? Et par qui donc ? » fit la veuve. « C'est mon affaire, s'il vous plaît. » Mais parce qu'aussitôt, Clémentine alla prendre par la main la première, qui semblait posséder toute sa confiance, et la conduisant à la fenêtre, elle lui montra, à travers les carreaux, un homme long, sec et légèrement voûté, qui stationnait de l'autre côté de la rue, sur le trottoir, les yeux fixés sur les croisées du magasin. « Tiens, dit tout bas Clémentine, celui qui fera réussir notre projet, c'est celui-là. » « Mais c'est un vieux !» exclama l'ouvrière, avec cette rapidité d'inspection et cette sûreté de discernement qui distingue la parisienne, et auquel aucune autre teinture, aucune fausse dent, aucune patte d'oie ne résiste. « C'est un bien brave monsieur, » reprit l'apprenti, « voilà 12 mois de suite qu'il vient m'attendre à la sortie du magasin pour me reconduire chez maman et me porter mon panier. Et si tu savais tout ce qu'il me raconte en route, et comme il est instruit ?» Je n'ai jamais vu un homme aussi instruit. Dame, à son âge, il m'a répété plus de 20 fois que si je voulais, il se chargeait de mon sort. Et tu as voulu ? Pas encore. Mais s'il accepte de se mettre avec nous contre Geneviève, ah, ma foi, tant pis. Le 8e jour qui suivit cette conversation significative, Geneviève, assise au fond du magasin, à sa place favorite, était occupé à garnir de coton des fils d'archal destinés à servir de tige à des bluets, ce qui, en termes de fleuriste, s'appelle « tourner des sept », lorsque Clémentine, qui venait de rentrer, car elle était volontiers dehors, s'écria, sans affectation aucune, « Mesdemoiselles, une nouvelle. Je viens d'apercevoir au coin de la rue des Moulins la mariée du Mardi Gras qui lisait les affiches. Dieu qu'il est changé et qu'il a l'air triste. On ne se figurerait jamais que c'est le même homme qui était si gai la semaine dernière. « Ah, il lit donc toujours les affiches ?» reprit la première demoiselle. Hier déjà, comme je regardais Rue des Moineaux, si Léotard jouait au cirque Napoléon, je me suis trouvé côte à côte avec notre jeune homme. Il était même assez pauvrement mis. Il est particulier qu'un garçon ait des camarades si distingués et se tiennent aussi mal. « C'est ce que j'ai pensé tout à l'heure, en le voyant débraillé comme il était, opina Clémentine. J'ai pensé, pour n'avoir pas plus soin de lui, il faut que le malheureux ait un fond de chagrin. Clémentine n'avait pas pu rencontrer Max, lisant les affiches rue des Moulins, que la première demoiselle avait aperçues, les lisant rue des Moineaux. Mais le mensonge, qui est souvent une nécessité pour la plupart des femmes, et une fantaisie pour quelques-unes, devient pour certaines autres un besoin aussi impérieux que le tabac pour certains hommes. On arrive dans les prisons à tuer des détenus en les empêchant de fumer. On obtiendrait peut-être le même résultat à l'égard de toute une classe de femmes en les empêchant de mentir. Dès que le fait le plus insignifiant se produit dans leur existence, ou simplement sous leurs yeux, leur première préoccupation est de se demander comment elles parviendront à le dénaturer en le racontant. J'ignore si, comme le prétend une ancienne tradition, la vérité a un accent qui ne trompe pas. Mais le mensonge a certainement un accent qui trompe. L'art de falsifier les événements qui surgissent, ou d'inventer ceux qui ne surgissent pas, atteint quelquefois chez ceux qui le cultivent un tel degré de perfection que c'est le jour où ils consentiraient à dire des choses comme elles sont qu'ils éprouveraient une gêne et un embarras de nature à rendre leur récit suspect. Ce qui d'ordinaire déroute les hommes, c'est l'inutilité presque toujours incompréhensible des faux en conversation privée que leur débitent les femmes. Comme les habitués de salle d'armes qu'ils tirent au mur pendant des années, pour le jour où ils auront quelqu'un devant eux, il est probable qu'elles mentent dans le vide, en prévision du moment à peu près inévitable où elles auront un front d'airain à opposer aux preuves les plus accablantes. Il est possible aussi qu'en multipliant les mensonges, elles espèrent que les gros pourront se dissimuler sous les petits et passer dans le tas avec eux. Combien de maris, reprochant à leur femme de leur avoir raconté qu'elle revenait du bain tandis qu'elle revenait en réalité de s'acheter une paire de bottines, ont reçu cette réponse qui les a rassurés et qui aurait dû les bourreler d'inquiétude. Ce que je t'en dis, c'est parce que cela n'avait aucune importance. S'il s'agissait d'une chose sérieuse, est-ce que tu crois que je te cacherais la vérité ? Madame de Gérardin a imprimé un jour cet aphorisme qui m'a frappé parce que, bien qu'à peu près impossible à démontrer, il doit être cependant exact. Il y a des femmes blondes qui ont de petits yeux gris clair. Défiez-vous-en. Clémentine, qui réalisait ce programme, était rompue à toutes les feintes, coupées et dégagements qui ont pour objet de mettre à l'envers ce qui se présente naturellement à l'endroit. Il n'y aurait eu rien d'étonnant à ce qu'elle eût annoncé sans aucune arrière-pensée à ses compagnes qu'elle venait de rencontrer Max, bien qu'elle n'en eût pas aperçu l'ombre. Mais cette fois, sa batterie était pointée sur un point parfaitement déterminé. Le coup du reste n'avait pas été perdu, car Geneviève releva la tête. « Comment, dit-elle, ce jeune homme qui est venu en femme, essayer une couronne de mariée et qui avait le teint si rose ?»« Il était jeune comme un coin tout à l'heure, répondit l'apprenti. » Mais il n'y a guère que l'amour qui puisse détériorer à ce point un joli garçon, fit la veuve. En ce cas, reprit Clémentine, votre joli garçon est terriblement amoureux, car il est devenu affreusement laid. Faut-il qu'il y ait des créatures méchantes pour faire souffrir quelqu'un qui ne leur a jamais fait de mal, objecta Geneviève dans la candeur de son âme. Tu es bonne, toi, par exemple, riposta Clémentine. Est-ce que tu crois que nous avons été créés et mis au monde uniquement pour faire plaisir à ces messieurs ? Geneviève s'aperçut que sa naïveté avait frisé l'inconvenance. Elle reprit discrètement son travail, bien résolue à ne plus hasarder aucune exploration dans des questions qui étaient aussi étrangères. Le lendemain matin, vers 9 h, comme Maximilien attendait dans son lit à la fois sa vocation et son chocolat, il vit entrer un commissionnaire qui lui remit, sans autre renseignement, un papier mal écrit, mal plié et cacheté grossièrement. L'intérêt qu'inspire une lettre dépendant généralement de sa forme extérieure, c'est avec une indifférence absolue que le fils du docteur Ouzelot déplia celle qu'on lui tendait et, sous les mailles d'un certain nombre de fautes d'orthographe, déchiffra l'avis suivant. « Si monsieur Maximilien Ouzelot veut revoir la jeune fille de l'autre fois qui lui a fait son bouquet de mariée, il n'a qu'à passer aujourd'hui sur les 3 h devant le 17 de la rue Saint-Roch, mais de l'autre côté du trottoir, parce que le balcon du magasin avance et que s'il passait dessous, on ne le verrait pas. » Ce n'est pas tout. Il faut que Monsieur Ouzelot prenne l'air malade. Ça, c'est essentiel. Si elle a l'air trop bien portant, Geneviève croira qu'il se moque d'elle. Signé une amie. Quelle rédaction, se dit Max. Que faut-il dire à la personne? Demanda le commissionnaire. Dites que c'est bien. Il prit une pièce de 20 sous sur sa table de nuit, la tendit à l'homme et remit sa tête sur l'oreiller, en se disant, non sans quelque humiliation, c'est une histoire à la Paul de Kock. Il y a néanmoins dans une aventure de ce genre une dose d'inconnu suffisante pour intriguer un jeune homme aussi embarrassé de son temps que l'était Max. Pourquoi le diable la lettre exige-t-elle que j'ai l'air souffrant? On veut donc laisser croire à la petite essayeuse que je me sèche d'amour pour elle? Moi, je ne demande pas mieux que de jouer mon rôle d'homme qui sort du tombeau. D'ailleurs, j'étais un peu gris l'autre soir. Et je n'ai pas beaucoup regardé, la petite essayeuse. Mais si je me rappelle, Henri m'assurait qu'elle était exquise. Maximilien habitait, rue Louis-le-Grand, deux pièces contiguës à l'appartement de son père, bien qu'elles en fussent séparées par un corridor assez large, avec une sortie particulière. La présence continuelle d'un grand garçon de 22 ans, dans les salons d'attente, aussi fréquentés que ceux du docteur Ouzelot, eût gêné les différents sexes qui venaient y stationner. Aussi, lorsqu'au coup de 2h30, Max descendit par l'escalier spécial qui aboutissait à son petit logement, jeta-t-il, avant de sortir, un coup d'œil sommaire sur l'état de ses meubles et de ses tapisseries, comme un homme qui, partant seul, entrevoyait la possibilité de revenir à deux. À 3h05, Clémentine, qui, depuis le matin, regardait alternativement Geneviève et la pendule, se dirigea vers la fenêtre ouverte, sur l'appui de laquelle elle se mit à pianoter machinalement. « Tiens !» s'écria-t-elle au bout d'un instant. « Il se passe quelque chose, rue Saint-Honoré. Tout le monde court de ce côté-là. »« Oh, comment on court ? Geneviève, vous autres, venez donc voir. » Toutes les ouvrières, y compris Geneviève, s'approchèrent de la croisée. La rue Saint-Roch, qui descend vers la Seine, par une pente rapide, est, comme on sait, étroite, tortueuse, bordée de maisons déprimées, renflées ou crevassées, qui donnent à la ligne de construction l'aspect d'une falaise. Geneviève s'avança jusqu'à la balustrade et regarda dans la rue, qui était silencieuse et à peu près déserte. Mais, dit-elle, je ne vois personne. Je crois bien, fit observer Clémentine, la foule vient de tourner l'angle de l'église Saint-Roch. Tiens, ajouta-t-elle, voilà une figure que je connais. Voyez donc la veuve. La veuve, directement interpellée, se pencha à son tour et s'écria presque aussitôt, comme frappée d'une lumière subite. Attendez donc, j'y suis, c'est la mariée de l'autre jour, le jeune homme aux fleurs d'oranger. Parfaitement, fit la première demoiselle, mais c'est effrayant, ce garçon-là change à vue d'œil. Moi qui l'ai rencontré avant-hier, je ne l'aurais pas reconnu. Moi non plus, dit Clémentine. As-tu remarqué cette pâleur quand il a levé la tête? Juste, le voilà qui passe devant le magasin. Max se sentant regardé et ne sachant pas, d'ailleurs, au juste, s'il ne s'agissait pas de quelque mystification, hésitait à franchir le Rubicon, c'est-à-dire à passer sous la fenêtre mentionnée dans la lettre anonyme du matin, et il allait peut-être retourner niaisement sur ses pas, lorsque, du côté de la balustrade, où s'appuyait tout le personnel du magasin, ses yeux se croisèrent avec ceux de Geneviève. En apercevant Max, à qui elle n'eut certainement fait aucune attention, sans les indications si précises fournies par ses camarades, elle avait eu un mouvement instinctif pour se retirer dans la chambre hors de vue. Mais le succès du complot était en trop bonne voie pour qu'on la laissât échapper. Les ouvrières se serrèrent donc autour d'elle avec une résolution si unanime qu'après quelques efforts discrets pour briser ce réseau, Geneviève, craignant le ridicule d'une pruderie outrée, se décida à se tenir coite, bien qu'elle sentît ses paupières battre et ses yeux se voiler. C'est à ce moment qu'ils rencontrèrent involontairement ceux de Max, qui, la voyant aussi exacte au rendez-vous, ne douta plus de sa connivence, ou tout au moins de sa bonne volonté. Comble de disgrâce, la pauvre enfant, en se précipitant à la fenêtre, où l'avait appelée Clémentine, avait planté dans ses cheveux, pour garder les mains libres, un magnifique coquelicot artificiel qu'elle était en train de terminer. Cette fleur rouge, tranchant à la fois sur le jet de ses cheveux et la matité de son teint, cette croisée où elle apparaissait entourée comme de satellites, de 5 ou 6 frais visages, rappelèrent vaguement à Max une de ces scènes où Goya représente des manolas jetant d'une avant-scène des bouquets au torero. Ce n'est plus la Judith d'Aloris, c'est la Esmeralda de Victor Hugo, se fit remarquer le jeune homme à lui-même, faute de pouvoir le faire remarquer à un autre. Il faut du reste rendre à sa vanité cette justice. Il n'eut pas une minute de soupçon que la chaste ouvrière pût se trouver là par hasard, que ce coquelicot dont le carmin éclatait si fièrement dans les rayons de ses yeux noirs eût été également, par hasard, planté si heureusement près de la tempe droite. L'idée qu'un travail pressé avait seul ôté à la jeune fille le temps de ramener sur sa tête le monceau de cheveux qui pendait en torsade sur son épaule n'effleura même pas le cerveau du héros de l'aventure. Il vit dans toute cette mise en scène une préméditation dont il ne songea du reste ni à s'étonner, ni à se plaindre. « Alors, pensa-t-il, il paraît que sous mon voile de tulle illusion et mon diadème de fleurs d'oranger, j'ai produit quelque impression sur elle. J'étais pourtant ce soir-là passablement ivre. J'avais l'air bien jocrise dans mon accoutrement. » Max, qui avait défilé devant le front du bataillon des fleuristes, revint sur ses pas afin de jouir une seconde fois de ce charmant spectacle. Il avait la bouche sèche et la gorge légèrement serrée d'un homme qui vient de recevoir une commotion électrique. Mais Geneviève était enfin parvenue à rompre le cercle où les conjurés la retenaient prisonnière, et elle s'était jetée vivement au fond de la chambre, derrière le comptoir de chêne qui protégeait sa rougeur et son embarras. Max eut une déception en voyant la place de Geneviève occupée par une autre, mais il se consola avec cette réflexion. Se montrer à sa croisée est peut-être une preuve d'amour. Y rester eût été de l'effronterie. Pour une première fois, se disait-il, ça ne pouvait guère aller mieux. Une chose le tourmentait toutefois, il avait complètement oublié d'avoir l'air souffrant. Hélas, cette précaution eût été doublement inutile. D'une part, c'est à peine si dans son émotion la candide ouvrière avait entrevu les traits de Max. D'autre part, ses camarades d'atelier se récrièrent avec tant d'insistance sur les symptômes morbides dont témoignaient la face livide et les yeux abattus du malheureux jeune homme, que son état maladif ne fit pas question pour Geneviève. « Il n'en a pas pour 2 mois, avait dit Clémentine. 3 heures sonnaient à tous les beffrois quand Max, qui, pour le coup, s'était mis en frais de pâleur et de taciturnité, passa le lendemain sur le trottoir qui lui avait été si hospitalier la veille. Cette fois, en revanche, plus de yade, plus de cheveux dénoués, plus de coquelicots. Toute la légion était sur le qui-vive, toute la troupe était à son poste, sauf Geneviève, qui n'avait pas quitté son travail. « C'est trop fort ! Voilà encore le jeune homme !» s'écria la veuve. « Oh, le pauvre garçon ! Il fait mal à voir. Il peut à peine se traîner !» répondit Clémentine, prompte à donner la réplique. « Arrive donc, Geneviève, fit la première demoiselle, déchirant tous les voiles. Tu sais bien qu'il vient poser tous les jours sous nos fenêtres, uniquement pour te contempler. « Vous pouvez vous moquer de moi, à votre aise, dit Geneviève. Comme je ne sais pas tourner la plaisanterie, je ne répondrai jamais aux vôtres. Un charmant garçon qui sèche sur pied en ton honneur, tu appelles ça des plaisanteries ?»« Voyons, Clémentine, fit Geneviève suppliante, ne parle pas si haut, je t'en prie. Nous sommes au premier. » Ce monsieur n'aurait qu'à t'entendre. Voudrais-tu qu'il m'entende? Tu n'étais pas là. Alors il est parti, dit Clémentine, qui, tout en discutant, avait tiré un crayon de sa poche et griffonné 5 ou 6 mots sur une facture. Puis, comme pour vérifier de ses yeux son assertion, elle se pencha sur l'appui de la fenêtre et laissa tomber le papier plié en boule au pied de Max, qui, depuis 5 minutes, passait et repassait devant cet impassible numéro 17 qui commençait à compter dans sa vie. Il ramassa le crayonnage. La rédaction en était courte, mais pratique. « Ne vous montrez pas demain. Après-demain, soyez malade pour tout le monde et restez couché. » « Il y a là-haut quelqu'un qui travaille pour moi, » pensa Max. Soit, je serai malade et je resterai couché. » Le lendemain, en effet, c'est en vain qu'à l'heure ordinaire, les conjurés se rendirent à leur observatoire dans le but apparent de voir le jeune homme mettre en action cette strophe amoureuse. « Enfant aux airs d'impératrice, colombe au regard de faucon, tu me hais, mais c'est mon caprice de me planter sous ton balcon. » L'après-midi se passa tout entière dans une attente inutile. « Décidément, tu la décourages, » dit Clémentine en reprenant possession de sa chaise. Du reste, il avait l'air navré hier, quand il a regardé notre fenêtre pour la dernière fois. Pour une demoiselle qui ne comprend pas qu'on rend les gens malheureux, il me semble que vous n'y allez pas de main morte, dit sournoisement la veuve à Geneviève. Harcelée de toutes parts, Geneviève faisait bonne contenance. Mais tout en tenant un large compte de la part d'ironie qu'elle surprenait dans les réflexions de ses camarades, il était certain que non seulement le monsieur à la couronne de fleurs d'oranger était venu 3 jours de suite, soupirer sous la fenêtre, mais qu'il était souffrant, et peut-être gravement atteint. Il n'était pas moins évident que si ses soupirs s'adressaient à quelqu'un, c'était à elle, attendu que, telle qu'elle les connaissait, pas une des autres ouvrières du magasin n'était capable de lâcher une proie et de passer les coups d'œil à elle adressés à l'actif d'une compagne. La persévérance qui énerve et endort les femmes, dont c'est le métier de se faire prendre d'assaut, a toujours eu et aura toujours sur les femmes honnêtes une action lente mais décisive. Toutes les extravagances de la passion, tous les duels imaginables ne vaudront pas auprès d'une nature sincère un regard tendre offert modestement tous les jours pendant 6 mois. Geneviève, qui au moment où 3 heures avaient sonné ne s'était pas plus levée de sa place que la veille, ne put cependant se retenir de penser « Puisqu'il est encore venu hier, pourquoi ne vient-il pas aujourd'hui ?» Le jour suivant, personne. Geneviève se serait volontiers livrée aux allusions, parfois inconvenantes, de ses camarades, pour obtenir d'elle, sur cet abandon, qui semblait définitif, une explication plausible. Mais par une fatalité, ayant d'ailleurs tous les caractères d'une préméditation, pas une bouche ne s'ouvrit de la journée pour commenter ou seulement rappeler les incidents qui précèdent. La nuit commençait à venir et l'espoir à s'en aller. Lorsque Clémentine, partie depuis midi pour aller soigner sa mère malade, fit irruption dans le magasin en jetant sur l'établi une paire de gants couleur chair rosée. Elle était sortie en bonnet de linge et en robe de stoff gris foncé. Elle rentrait dans une tunique en taffetas vert réséda, bordée de l'est à l'ouest, du sud au nord et du nord-nord-est au sud-sud-ouest, d'une guipure frangée de même couleur et protégeant une jupe, ou plutôt 2 jupes superposées, dont la première semblait, par ses bouillonnets, ses plis, ses volants et ses ruches, inviter à la modestie la seconde, qui s'arrêtait, sans autre agrément qu'un fort dentelage, à la cheville de la propriétaire. Un chapeau imperceptible en satin marron, surmonté d'une ombrelle, non moins imperceptible et non moins marron, terminait par en haut la blonde Clémentine. « Si ce sont là les toilettes que tu mets pour aller faire de la tisane à ta mère, elle doit être bien mal soignée, » dit la première demoiselle. « Ma chère, » répondit l'apprenti, avec le bredouillement nerveux d'une femme qui ne se tient pas de joie de se voir si bien mise, et en appuyant sur le chêne ciré du parquet, des bottines neuves qui semblaient être à musique, tant elles jetaient des cris inarticulés. « Ma chère, quand on n'a rien à dire, on ferait mieux de se taire et d'écouter les gens qui vous apportent des nouvelles intéressantes. »« Quoi donc ?» s'écria d'une seule voix le groupe des fleuristes, éblouis du changement à vue opéré chez leur ami, et comprenant instinctivement qu'une jeunesse devait avoir passé de rudes épreuves pour arriver à se trouver subitement aussi embanachée. D'abord, laissez-moi vous dire que Geneviève a eu bien raison d'annoncer à son jeune homme qu'il se repentirait d'avoir joué avec une chose sainte comme un bouquet de mariée. Il s'est alité avant-hier soir et il est probablement mort à l'heure où je vous parle. « Ah, quelle horreur !» fit Geneviève. « Mort ? Qu'en sais-tu ? D'où le connais-tu ? » dit la première demoiselle, jouant l'étonnement. La preuve que j'en sais quelque chose, c'est qu'il se nomme Maximilien, qu'il est le fils unique du docteur Ouzelot, qui a 50 000 francs de rente, et qu'il demeure 22 rue Louis-le-Grand. Est-ce clair? Mais d'où tiens-tu tous ces détails? C'est Ludovic qui me les a donnés, répliqua avec abandon l'aimable messagère. Et il paraît qu'il connaît beaucoup la famille. Qui ça, Ludovic? Répliqua la veuve. Ludovic Carbonel, tu sais bien, ce monsieur l'autre soir, répondit Clémentine, en s'adressant à la première demoiselle qui avait, comme on sait, toute sa confiance. Alors, dit la première, en la prenant à part, c'est réellement ton vieux reconduiseur qui a tout mené. Je n'ai fait que suivre exactement ses conseils. En voilà un qui est fort. Avant la fin de la semaine, Geneviève aura sauté le pas. Et te l'a promis? Parbleu, sans ça, en effet, il faut que tu aies du courage. Eh bien non, je t'assure, il n'est pas exigeant. Nous avons été choisir tout ça ensemble, fit Clémentine, en pirouettant sur ses pointes, afin de se déployer dans toute son envergure. Mais, objecta la première, après un instant de recueillement, as-tu réfléchi que nous jouons là un jeu bien dangereux? Ce jeune homme est riche, beau garçon, ma foi. Sais-tu que quand Geneviève aura sur le dos seulement pour 70 francs d'effet, elle sera inouïe, le monstre. S'ils arrivaient à s'aimer sérieusement, c'est peut-être nous qui serions les dindes. Laisse donc, le jour où les choses prendraient une tournure grave, à nous deux, nous arriverions bien à lui enlever son Maximilien. Que diable! Eh, ma chère, on ne sait pas. Ces filles honnêtes sont si coquines. D'ailleurs, tant pis, hein, je ne peux pas la voir plus longtemps comme ça. Je ne le peux pas, je ne le peux pas. Geneviève, muette comme une solive, s'était remise à travailler dans son coin. Elle était, comme on dit vulgairement, au champ. Elle se reprochait d'avoir porté malheur à ce jeune homme. Elle se le figurait agonisant, froid, la tête enfouie dans les boursouflures de l'oreiller, et par une bizarrerie d'imagination, elle le revoyait constamment sous ce long voile de tulle qui lui tombait sur les yeux. Ce visage d'homme encadré de blanc évoquait dans son cerveau des images singulières et des souvenirs confus. J'étais pourtant bien sûr, le soir où il est entré ici, de n'avoir rencontré ce monsieur nulle part, puisque je ne vois personne, se répétait-elle mentalement. Eh bien, quand il s'est retourné de mon côté, dans son costume de marié, il m'a passé comme un nuage devant les yeux, et j'aurais juré que je le reconnaissais. C'est tellement insensé que je demande si je ne deviens pas folle. Elle était si profondément enfoncée dans sa rêverie qu'elle ne s'apercevait pas que tout le magasin avait les yeux braqués sur elle et que chacune de ses pensées était saisie au vol. « Mademoiselle, dit tout à coup la première, nous avons là 3 douzaines de fuchsias à porter chez André, la modiste du boulevard des Capucines. Quelle est celle qui veut se charger de la commission ? Voyons, Clémentine, Francine, Julia, la veuve, vous ne voulez pas ? Geneviève, dévouez-vous, ma chérie. » Voilà la 3e fois que Madame André me fait demander ses fuchsias. L'ouvrière, si doucement sollicitée, se leva sans objection, disposa la commande dans une boîte longue, dont elle consolida le couvercle au moyen d'une courroie, saisit le tout d'une main légère et sortit d'un pas distrait et presque somnambulique. Il est inutile de faire remarquer que Geneviève avait été envoyée boulevard des Capucines uniquement parce qu'il lui fallait longer la rue Louis-le-Grand pour s'y rendre. En effet, ce fut elle cette fois qui, en passant sous les fenêtres de l'appartement du docteur Ouzelet, leva machinalement les yeux dans l'espérance de reconnaître à l'un des balcons Maximilien debout et bien portant. Mais il faisait froid, il était presque nuit, tout était clos et calfeutré. Alors vint à la pauvre empiégée l'idée qui devait nécessairement lui venir. Elle s'interrogea pour savoir s'il y aurait pour elle déshonneur absolu, allait demander au concierge de la maison des nouvelles de son locataire malade. Bien que sa conscience lui certifiât qu'elle était dans son droit, c'est en proie à une émotion extraordinaire qu'elle tira la sonnette de la porte cochère et, dans un trouble allant jusqu'à l'évanouissement, qu'elle s'adressa, l'instant d'après, à une grosse maman qui, courbée sur un fourneau à l'entrée de sa loge, faisait sauter des pommes de terre dans un poêlon. « Monsieur Ouzelot, hasarda-t-elle. Le père ou le fils ?»« Monsieur Ouzelot, fils. »« C'est au 3e. Il est chez lui. Prenez celle des 2 escaliers qui vous plaira. Les appartements communiquent. »« Madame, je n'ai rien à dire, monsieur Ouzelot. C'est une personne de sa famille qui m'a chargé d'aller demander s'il va mieux. »« Ah, pas trop mieux. Il n'est pas sorti. Il est resté couché. »« Mais si vous voulez me dire le nom de la personne, j'ai justement une lettre à monter au père. » Le nom de la personne, c'est inutile, merci. Merci, madame, balbutia Geneviève en opérant une retraite qui ressemblait à une fuite. À peine dans la rue, elle se mit à courir. Un quart d'heure après, Maximilien, qui avait joué consciencieusement son rôle d'alité, savait qu'un tendron, la concierge appelait encore les jeunes filles des tendrons, était venu s'informer de la santé de M. Ouzelot, fils, de la part d'une personne qu'on avait refusé de nommer. Teint pâle, grands yeux noirs, cheveux bouffants, tout ce qu'il y a de plus bouffant. C'est elle, pensa Max. Félix, dit-il au plus jeune des deux domestiques de son père, demain, du lever au coucher du soleil, je vous en prie, ne quittez pas les alentours de la maison. Et si vous voyez la jeune fille aux yeux noirs qui règne sur mon âme venir demander de mes nouvelles, arrangez-vous pour lui répondre et lui en donner d'exécrables. Insinuez que depuis 15 jours, je suis insensiblement tombé en langueur, que je ne bois plus, que je ne mange plus, que j'ai toutes les nuits une fièvre de cheval. Dites surtout que je suis changé au point que mes intimes amies hésitent à me reconnaître. Enfin, invitez-la à monter afin qu'elle puisse constater de visu l'état de somnolence et d'atonie qui effraie tant ma famille. En un mot, amenez-la ici, le reste me regarde. Il est à croire que Félix fut assez persuasif pour faire passer dans l'âme de Geneviève l'inquiétude dont il semblait dévoré. Il est à supposer également que Madame André avait commandé plusieurs autres douzaines de fuchsia, car le lendemain, vers 1 heure de l'après-midi, la porte de la chambre à coucher de Maximilien s'ouvrit avec une précaution quasi paternelle, et Geneviève, conduite par le fidèle serviteur, entra sur la pointe du pied et vint, tremblante et retenant son souffle, s'assurer que cet homme si brillant de jeunesse et d'insouciance, moins d'un mois auparavant, avait aujourd'hui peut-être à peine quelques jours à vivre. Dieu, comme il a les joues creuses et la figure décomposée, dit-elle tout bas, en montrant à Félix, presque attendri, Maximilien, immobile et dont la tête ressortait en blanc dans l'ombre des rideaux à demi fermés. Pensée déchirante, car il ne s'y mêlait pas le moindre éclair de vanité et elle n'était pas sans quelque crainte d'avoir contribué à aggraver l'état lamentable de ce jeune homme, fils unique d'un père qui, sans doute, l'adorait. Quel malheur ai-je fait en attendant l'heure où il passait pour me mettre à la fenêtre ? Se demandait-elle à elle-même. Oh, si j'étais sûr que je suis pour quelque chose dans ce pareil malheur, je ne me le pardonnerais de ma vie. Perdue dans la contemplation de ce qu'elle aurait facilement appelé son crime, elle ne vit pas Félix qui sortait en fermant la porte. En revanche, elle s'aperçut que le malade ouvrait les yeux et qu'il les attachait sur elle avec persistance. Ce retour à la vie, si bien fait pour l'effrayer, la remplit de la joie la plus pure. Elle s'approcha jusqu'à le toucher du chevet du lit et dit à Maximilien en lui parlant comme un enfant « Est-ce que vous vous trouvez mieux ?»« Moi, » fit le jeune homme, avec la voix dolente d'un homme qui sort d'un rêve. « Depuis que vous êtes entré ici, il me semble que je renais. » Fin de la troisième partie.